poursuis ma quête, impossible d'apprendre sans que je finisse maître. Rien ne m'arrête à part du 9 mm, pas de triomphe sans perte. Je suis fier comme les triades, périm avec respect, j'yard avec fusillade. J'ai rien de conventionnel, je fais dans l'événementiel. J'suis pas marié, pour moi l'hôtel c'est l'essentiel. Me pose pas de questions, je te mentirai pas. Avoir un job de 8 à 5 ici, hors de question, alors je me démerde. J'arrive en vaisseau spatial, j'suis dans la rue en studio avec mon 38 spécial. Au quartier on s'ennuie, on marque le boule des billards. J'en ricoche, j'finis au trou comme des boules de billard. 9 de héros, ton pop star t'es Léandro. Tu tiens pas la route, gars, avec un A collé dans le dos. Certains croient qu'ils rivalisent. Faudra qu'on les hospitalise pour qu'ils nous respectent. Est-ce que tu réalises? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pillage, viens pas tester la Westside. 92 kg dans le zen, haute scène, c'est la Westside. Major en l'air pour la OS, argent du rap et argent sale. Tu veux savoir qui te parle? C'est la Westside. Westside. Un Kalashnikov dans le boule, mon introduction. Westside. 92 injections, docteur. J'ai vu des flingues à l'échographie. Un narcotrafic dans les Hauts-de-Seine, c'est géographique. Hémorragie au cœur du bitume, c'est dans la rue, c'est discographique. D'Afrique, on fait péter les rimes au plastique. Je les ai vus au pont de Cerf, dans les halls. Mais que fait la police? Faut les mettre en tôle, dans des geôles. Si tu parles comme ça, même si t'es personne âgée, ferme ta gueule, grosse pute, ou tu vas déménager. Westside, Westside, violence à l'état pur. Nicolas, on te baisse, baisse, toi et ta pute. Un cache dans le boule, mon introduction. Westside, Westside. 92 injections en 2000, premier impact. Meurtrière et ma grammaire, bienvenue au cœur de l'asphalte. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pillage, viens pas tester la Westside. 92 kg dans le zen, haute scène, c'est la Westside. Major en l'air pour la OS, argent du rap et argent sale. Tu veux savoir qui te parle? C'est la Westside. Westside, Westside, Westside. Mets-moi le Graal entre les mains, j'me sers un verre de Sky. Mayday, mayday, les rappeurs se rebellent. T'inquiète, les trois quarts sont des PD. Ici c'est Dakar, bon les West Side, West Afrique de l'Ouest, I2S, rap de test. Y'a pas de test, tu vas te hache. A cause de nous, beaucoup de MC chaume, tu connais. Leur dernière vision sera un gun et un chauve. Moi, je ne suis pas une racaille de base. Au tribunal, j'ai rien à craindre, j'ai maître le bras. La vie est brutale, comme disait Alex. Sénégal, on veut du khalis, du bif, plein les balises. Sans haine, on s'endort. J'domine la peur qui fait avancer l'homme. Oh, j'suis pas, j'bève comme Alexander. Tu veux savoir ce que je suis? Demande au FN. Radio 92 et commando FN. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pillage, viens pas tester la Westside. 92 kg dans le zen, haute scène, c'est la Westside. Major en l'air pour la OS, argent du rap et argent sale. Tu veux savoir qui te